Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 20 le décret numéro 1215 sur la remise des titres d'honneur, citations et médailles aux nombreux constructeurs, scientifiques, techniciens, cadres et volontaires qui ont accompli les mérites de travail à la construction de la centrale Kunmin de Wonsan avec la primauté de l'esprit de se renforcer soi-même. Surtout, le titre de héros du travail de la République populaire démocratique de Corée à 8 personnes, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse à 2 personnes et le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse à 2 personnes.